Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue sur Bonsoir et bonjour Minnesota. Bonsoir Adrien, comment vas-tu? Bonsoir Antoine et salut, bonsoir Adrien. Thierry. How are you doing tonight? Pretty good, right? Amazing. Doing good. All right, this is exciting. We have a great show coming up tonight because, you know what? The weather is perfect. It is cold outside and we are going to play some reggae. Reggae music. Yes, good vibes in the studio tonight, right? That's right. All good vibes. And so we selected together quite a playlist, actually. Came together with different famous or less famous songs are from different horizons, you know, African artists, French artists. We'll let you discover that. Yeah, we have quite a palette of themes too that we're gonna, you know, listen to tonight. But I think first we need to listen to Legal ID, right? We do. Yes. And all what right. a night to listen to it. Yes. Yeah, let's, we have a special guest tonight. Can you get the computer started? All right. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Et bravo Lilou for this wonderful legal ID. That was yes. awesome to hear your daughter's voice, Antoine. Yes, now we recorded that a month ago, I think. I was in the studio here for the board certification. And actually the people that are training us, you know, they say, oh, maybe she should do a legal ID. And then we got decided to do it. So that's a great fun, idea. Right? That's so fun. Yes. Thierry, are you ready for tonight's show? As ready what as do you think? You're born ready? On a du lourd ce soir. Ça va lâcher lourd, oui. Bon, what do you think then? Yes. Just drop the beats? Drop the beats, yeah. Go. I think we're going to start by a song that gives a little bit of an homage to the king of reggae, right? Who is the king of reggae? Prince. Bob Marley. Yes. With Danakil. Danakil is a band from Valence, the south of France. And so it's a really cool song that talk about the lives of Bob Marley, you know, from birth to death, basically. So it's mm-hmm. a really cool song. And then after that, we have Alpha Blondie. Alpha Blondie is kind of really roots, you know, kind of reggae man from Ivory Coast. One of the biggest, most famous reggae man from Ivory Coast. He's worked with the Wailers. He's worked with like so many different iconic reggae bands, and he's himself right. iconic. So, which song is that? It's Travailler c'est trop dur. Yeah. So it's a French song from Alpha Blondie and with the Wailers. So here we go. So. Bob Marley died in 82, and I think shortly after that, the Wailers went to sing with Alpha Blondie yeah. for this album. So that's really cool. Yeah, very and, cool. And then another singer from Ivory Coast, Tiken Jah Fakoly. Ah oui. Yes. So we listened to Tiken Jah Fakoly a few weeks ago, right? Yes, Freddie played did. It. Yes. Yeah. And these songs I love, it's An Africain à Paris, An African oui. in Paris, and it's from the song, you know, it's a cover. Sting. Well, I guess the melody is from Sting, yes. Sting. Yes, yeah. An Englishman in New York. Sting, and it tells the story of what it means to be an African, you know, moving to Paris and making it there. So it's, I love this song. It's basically Tiken Jah Fakoly is writing to his mom and telling her how is it going in Paris. What so, it is, he's yeah. waiting for mm-hmm. his papers, and how fitting it is to talk about right. Immigrants and the support behind that. So beautiful song. Well, let's get going. C'est parti. Allons-y. All right. Okay, c'est parti, mon kiki. So you notice that Freddy's not here today, but we have Adrien on the board. We can. And here we go. C'est parti. Mm. offrir le billet de prix. Famille modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine, il venait d'Angleterre. Cette terre n'est pas la mienne, mais ma passion n'est pas là. Bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais, je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur, qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal, je crains pour mes frères et sœurs. Je voudrais le bien, mais le mal fait son beurre. Moi, je veux jouer de la voix et devenir chanteur, générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, je bosse, j'avance avec bravoure. Avec tes potes, je sors mon premier 45 tours. Que la force soit avec moi, le chemin sans détour. Le peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. J'ai grandi dans mon ghetto modeste. Mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco, je la fuis comme la peste. Mon son c'est le roots que je balance même à la messe. Quelques galères, mais les morceaux s'enchaînent. Dans mon pays, les producteurs véreux se déchaînent. C'est les miettes que je ramasse, même si ça me fait de la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Sinon, j'adore le football, depuis petit, je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle et je la traîne où que j'aille. La weed me fait du bien, et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte percer. Les échecs, je les essuie, la légende est amorcée. J'ai 30 ans, mes chansons résonnent. Le monde connaît mon nom et les chiens montent à la bonne. Mais foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant, maintenant appelez-moi Bob. Je suis une star, mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retourner ma veste. Enfant du peuple, je suis né, je le reste. Je n'ai jamais subi l'influence des terres de l'Ouest. J'aime les femmes qui m'accompagnent, inspirent mon écriture. J'accorde la douceur des mots avec la force des écritures. Je porte de gros chapeaux, j'aime la weed quand elle est pure. Je n'abuse pas de l'argent, juste quelques belles voitures. En concert c'est incroyable, comme les foules se déchaînent. Des dates inoubliables et des tournées qui s'enchaînent. Partout où je passe, se crée des marées humaines. Mon message n'est pas secret, chaque jour je le promène. J'ai enfin trouvé mon père, il vit en Éthiopie. J'ai aussi trouvé ma terre, celle qui a vu naître la vie. Les yeux posés sur le monde, je dis ma philosophie. Plus jamais personne au monde l'ayant lu ne l'oublie malheureusement. Le contexte politique est tendu à l'approche des élections. Les jeunes se tirent dessus dans la rue. Je sais que tous mes frères s'entretuent. Ça m'écœure, tout se sent pour deux hommes corrompus. Et vient mon tour lorsque ces fous pénètrent dans ma cour en plein jour et tapent sur leurs cachettes comme des sourds. Marley assassiné par de dingues et un fêlé. Non, ça c'est du ciné, remets ton flingue sous scellé. Le concert sera maintenu et le combat continue, puisque la balle n'a pas ôté l'espoir de ma vue. J'ai encore des choses à dire, encore des choses à faire. C'est pas l'heure de mourir, c'est pas non plus la manière. Il y a des gens qui comptent sur moi et moi je compte sur les gens, sur les gens intelligents, ce sont les plus dérangeants. C'est avec eux, soudés et solides comme la soudure, que jusqu'au dernier soupir, on contrera les coups durs. Un jour je partirai, mais mon travail restera. Natural mystique, mec, y'a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi, j'ai senti le besoin de faire ça? Pourquoi cette attraction? Pourquoi j'ai pesé ce poids? Mais voilà, un matin, le destin fait le malin, me prend par surprise et m'injecte son venin. Mal au pied, je suis crevé, mais les tourneurs veulent tourner, on y va. Si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué. marqué sur cette terre. 1981 marque la fin de mon ère. Aujourd'hui j'aurai 60 ans et des poussières. Mais bon, j'ai réussi et j'en suis fier. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur amour, et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval, et j'attrape ma vieille serre. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix, je cours chercher Hélène. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Maner la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix, je fonce chercher Hélène. Travailler c'est trop dur, voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Elles ne sont pas en première classe, Back on Bonjour Minnesota. You're listening to a special reggae edition right here from Studio 4. Yes, Stick and Jaffa Coli. I love this song, right? Oh, the great song, Africa, of Sting. À Paris. Yes. Loved it. Yes. You know that Sting favorites. Is, yeah, oh my God. And Sting is coming, I think. Yeah. Yeah, Sting is still, you know, he's 74, 75 now. Great shape. Amazing. And he's playing like incredible. He's coming to Orpheum, I think. I look at the tickets. I think it's like $250, $300 a ticket. Yeah. Yeah, it's not cheap. Yeah, it's not cheap, but that's probably definitely a hell of a concert. It's once in a lifetime. Mm-hmm. I feel like this is one. I actually Elton saw John him perform here in Minneapolis maybe 15 years ago. And he, the last song he performed was Roxanne, I believe. Yeah. Roxanne! And it was an acoustic guitar song, just him and the acoustic guitar, and then basically singing with the crowd. It was amazing. Oh, that's awesome. Yeah, that's I love Unplugged. Sting. Very nice. Yeah, very nice. So we listened to Africain à Paris. That was the last song we listened to from Tick and Jeff Facoli from Ivory Coast. Before that was Alpha Blondie and the Wailers. Travailler, c'est trop dur. Working is too hard. Et voler, c'est pas beau. Et voler, c'est pas beau. And stealing not nice. Unpretty. Yeah. It's not nice. And then we listened to Danakil with Marley. Marley, yes. Wow. He told us the story of Bob Marley, you know. It's a cool place. Have you been to Jamaica, you guys? I have Kingston. Not. Kingston, no. Have you been to Kingston, Jamaica? I have, not yet. It's a must to visit the Bob Marley's house. Oh, my God. Mm. Yes. A big pilgrimage there. But, so, we got another series. This one is on a different theme because this is all covers, but reggae covers. So from the two first songs we're going to listen to are from Mato, and it features different artists like Princess Erika or Pierre-Paul Jacques, who is a famous reggae, French reggae artist. The first one is a little tribute to our founders who really loved French, like big classic French music. And so we're going to play La Vie en Rose, remembering them. This show has been around since the 70s, in case you you didn't know. Bonjour, yeah, Minnesota, it's been right? around for a long time. So a lot of awesome people have been here holding the seat before us. And then the second song yeah is and it's sung by a lady, Princess Erika. Mm-hmm. Princess Erika, she's really cool. You like her. Mm-hmm. Great. Mm-hmm. Great. And then the second song we'll listen to is J'ai encore rêvé d'elle, and yes, she is beautiful. And then the third song is another love song for that trilogy, and this is Petite Marie from Bigger Ranks. And Petite Marie was written originally by Francis Cabrel. Cabrel, c'est ça. Ok les gars, c'est parti, vous êtes prêts? Ok, répétez. Drop the beat. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Je t'aime.

Monday, March 16th. Composer, multi-instrumentalist, vocalist, and bassist Richard Bona connects African sensibilities to jazz, world, Afropop, and Latin musics. He is always refining his sound, based on his experiences performing around the world and from working with musicians like Herbie Hancock, Quincy Jones, Pat Metheny, Bobby McFerrin, Chick Corea, and others. More information about Richard Bona live at the Dakota is available at dakotacooks.com. And we are back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. You're bonsoir listening to Antoine. Antoine et Thierry, hein? Et Thierry. Comment vas-tu, Thierry? Et Adrien. Ça va très bien. Adrien. Mm-hmm. Ça va, Thierry? Ça va, ça va. Ah bon, on s'amuse. Francis Cabrel. Francis Cabrel. We just listened to some, to a remix, hein, from Petite Marie, from Bigger Ranks. And that's originally from Francis Cabrel. He is from Toulouse, of course. With a wonderful singing accent. Voilà. Mm-hmm. And before that, we listened to two songs from Matto. One was with Pierre-Paul Jacques, J'ai encore rêvé d'elle. And the first song you listened to was La vie en rose with Princess Erika and Matto. Voilà, on va écouter une chanson de Pierre-Paul Jacques un peu plus tard. Pierre-Paul Jacques était un pionnier aussi du reggae en France dans les années 90. Oui, Monsieur PK. PK, ah ouais. Yeah. Je crois qu'il est originaire du centre de la France, il me semble. Ouais. Yeah, it's very unlikely, but he became kind of an icon. He's been around and done a lot of partnerships. Mm-hmm. He's got some really good tunes, so I think we got definitely a few. If we have time to play them, we'll have a few of them to share with you tonight. Right. So special reggae tonight. Good vibes. Yes, I love reggae. I think one of the, out of the genre, you know, of music, I think reggae is one of my favorite. Yes, especially in this weather, right? Yes. A little bit of snow, that's best timing. Just in time, right? Yesterday, before yesterday, was warm and it was like, oh man, and just boom, a little bit of snow, right? An hour before we got here, so... Well, it's kind of a continuation of the, you know, Tunisian theme last week, where it was nice and warm and very, you know, very joyous. Yeah. And then the weather is turning, but we're going to continue with the joyous theme. We're going to put the heat on in the studio here. There we go. And keep going, huh? That's right. Yes. What are we going to listen to next? So next is the next set is about political engagement. You know, reggae is also about... You know, fun things and things like that, the sun and the good vibes. But also about, you know, being engaged. And a lot of artists have been, you know, Bob Marley at the first was really using his music to tell a powerful message, you know, to the world. Yes. And the next few songs are all about that. Different time period. But we're going to start with Tonton David. Ah oui. Tonton David. We started in the early 90s. Started with NTM, Supreme NTM. Mm-hmm. He was friend with these guys at the time. Cool. But he did his own sound, reggae sound. Mm-hmm. And he was one of the first to really sing reggae in France. And in 1991, this song was, it's called Sûr et Certain. Sûr et Certain. Dead sure. Mm-hmm. Dead certain. And it's more a social justice component to it. Social justice, exactly. A strong message there. And then we're going to keep going with Dub Inc. So Dub Inc, they are from Saint-Étienne. Ah. Yes. Okay. So the south. The south or the north, no, depending on... The north. It's dead center, actually, right? Yeah. Is it? I mean, it's still north of Nîmes. It's north of Nîmes. It's north from Nîmes. It's the north. It's the north. Exactly. Yeah, we're having fun here in the studio here because I was talking with the guys earlier. You know, I'm from the north of France. And I was telling them that as soon as I cross the Loire River, which is... North of France, really. It feels to me like the south because you know it's a little sunnier, I think. Yeah. It's like, you know, for me, it's like, is it rose country? Nope, that's the north. I mean, easy. It's funny. Yeah, where can start see grape vines and stuff like that. It's a sign that for me you're in the south, and you start, you know, around the Loire Valley, you have a ton of them. So great white wine up there for beautiful sure, wines, and good oysters too. So we have Dub Inc here from Saint-Étienne with a song called Tout ce qui vole, and also again about social justice and talking about what's going on in France and, you know, all the issue that can happen there. And then we're going to another song from Tikkun Jah Fakoly. Tikkun Jah Fakoly, this one is a strong song about how, a political song in a way. And I think it's reminds me of what's happening right now in the world. You know, it talks about how, you know, the big powers in the world are kind of sharing the world. If you help me, you know, get this, I will help you get that, and so on. Get me the uranium, I'll give you the aluminum, you know, and if you... So it's a reminder of what the world we live in, and so. And it's sometimes not the case. Sometimes it's just I'll take that. Yeah, I'll take that. That's right. Yeah. That's right. There's no exchange whatsoever. And he talks also about the problem in Africa. You know, of course, when the you know, France and England and everything came, and he kind of separated. You know, put these imaginary lines in the middle of this huge land, and separated. You know, the tribes and stuff like that. We led to a lot of wars. You know, and so he talks also about that, about the fact that they did not choose. You know, those lines. You know, the people who live in Africa. And they have to deal with it. And they separated entire tribes, and then put others together and led to fights and stuff. Yeah, it's like if you look at the map of Africa, like all the nations are like just with a ruler. They literally took a ruler and cut through Sahara, and so absolutely, that makes a lot of sense. Okay, well, so that's what we have going on here for the next set. Let's go with the social justice. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain, quelque chose ne tombe pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé d'homme assistance en calcul, mon œil de la métropole. Par si le club met par là des maisons. C'est bon, ben, il est important que l'Afrique soit pour tous, pour le même but. même nation. Chacun sa culture, mais pour tous le même pays. Mais on est sûr que tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme ils veulent. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à la diversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Boum! J'attaque les envies de voir quitter ce pays. J'attaque pour mes frères, la morale et nos vies. J'attaque comme le pensent les lois. J'attaque mensonges et mépris. J'attaque et dans ton tact, une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey oh, give me the fire, hey oh. Ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mes couleurs au drapeau car trois ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est, pas toujours où on va. Frères sans papier donnant leur au moins le choix. On tue même les hommes, certains deviennent des proies. On crée des lois pour ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme une idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et haine vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. C'est qu'on fait nos pères quitter au fur leur terre, changer l'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation, c'est faite à la sueur de leur front. Musique à guerre, galère pour trouver des repères. Un climat délétère, aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion. Être français n'est pas qu'une décision. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. De plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse. J'prends sur moi et mes écrits se précisent. Encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses. Ce qui émane de vos dires blesses. En somme, je les protège quand on touche au mien. Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse. Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne. Tu prends ce qui t'intéresse, l'immigration sélective. Tu chantes la Marseillaise comme une sanction punitive. Ton identité nationale reste encore une belle connerie. Bien plus qu'une alternative, c'est de nous prendre pour des idiots. Ta politique se cache derrière tes mots. C'est de nous prendre pour des idiots. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse.

It's a sonic travelogue that weaves deeply personal storytelling with modern jazz and African sensibilities. More information about Somi at the Parkway Theater is available at theparkwaytheater.com. And you're listening to Reggae Night in Cafe. It's French Reggae Night tonight because it's Bonjour Minnesota. And this is Adrian, and we have Antoine and Thierry. And Thierry, voilà. Good vibes ce soir. Good vibes. We listened to a series of three songs that were more of a political meaning to in terms of reggae. And the first one was from Tonton David, Sûr et Certain. Second song was from Dub Inc., Tout ce qu'ils veulent. And the last song from Ivory Coast's own Tikenja Fakoli, Plus rien ne m'étonne. Voilà. Bon, il fait chaud dans le studio. Il fait chaud. Très, très chaud. Et dehors, il neige encore, hein, je crois. It's still snowing outside, I think. It's drizzly and it's definitely not as hot. As it was. Yeah. Wasn't that nice, huh? It was so nice. Such a nice break. Oh my gosh. Mm-hmm. Yes. Yeah, yesterday was beautiful, right? Oh, yeah, it's gorgeous. Mm-hmm. Spring is I hear we're supposed to get two more days or three more days of wintry weather conditions. And hopefully after that we'll move on to maybe spring weather, maybe. Well, yes. Fingers crossed. Well, spring is coming, right? Like, yes. This is coming here this weekend, so that should be the 20th, I think. But anyways. Nice. I hope it's still snowing a little bit, because I have plans to go to Lutzen next week, so for spring break. So hopefully yes. We have a bit of snow on the slopes over there. Yeah, hopefully. There will still be some. That's going to be fun. Then you can look at the lake. So. Maybe you can ski in shorts. Right. Who knows? It's been done. With the beer. No names, but... I know, yes. So we're going to listen to a few more songs and stay cozy. The series is a little is going to be on a different theme because it's going to be a bit of a poppy reggae. Mm-hmm. And so we have a few songs lined up. We have Tom Frater with Lady Melody, which is about Tom getting that melody on his head that is accompanying him through challenges, difficulties, and there is that melody with him. And then and Adrian, that was one of the songs you picked, right? And I didn't know Tom Frater. Oh yeah, he's from Guadeloupe apparently. I did some research because I was curious, and he is a surf. Champion, he's a surfer. He's a surfer. Wow. Right? Yes. Yes. Thank you for sharing that. Oh, okay. Mm-hmm. Yeah. I used to listen to that song a lot back in the, early 2000s. So when you were a surfer, it's dating me a little. Yeah. In Cannes. Well, in Cannes. Yeah, catching the waves. You know, Brice Denis. I know. Don't joke around. then we'll listen to. We're going back to. Africa a little bit. It was Yannick Noah, he's featured with Les Enfants de la Terre for one of his greatest songs, Les Lions. And that's a beautiful scene. He's talking about the lioness in Africa and how she's a caregiver and what it represents to him. But Yannick Noah is also a really, really famous athlete. And Thierry, I will leave that one to you. Could you tell us a little bit about Yannick Noah? Who is Yannick? So Yannick Noah is a famous French tennisman. He actually is the last Frenchman to have ever won a Grand Slam, and the one that he won was in 1983. It was Roland Garros, or the French Open. Yes. And we have not been able to do that since then. The women, the French women, have done that a few times, but not a single Frenchman was able to do that. So we're still waiting for someone to raise their hand and do it. Do you remember, Thierry, when Yannick won Roland Garros? I do remember that, and he's just an amazing, incredible, amazing right? athlete. Wow. The other thing too about him is I think he was the captain of the Davis Cup for France, and I think they won. They won it twice. I believe twice with him. Wow! So he's cool. Just an amazing guy. Like Guy Forget, Henri Lecomte. Henri Lecomte. Oh my gosh! La grande époque. French legends. Arnaud Butch. Great. All right, I remember from this time is when he won and he just threw the paddle and started singing Saga Africa. Le rythme de la boue, Saga Africa. Attention les secousses. So the next one's gonna be you, Thierry. If you win the Grand Chelem and if you win the French Open, Roland Garros, you gotta prep a good song. You know, that's probably why every other French tennisman is like, I can't top this. Definitely not winning it. All right. Well, and the last song will be from a famous French reggae band trio. But this is also special because it's featuring Vianney and Ibrahim Malouf, who is a famous trompettist, for the song Serre-moi. So with that, we will go ahead, but right after this. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place, je suis pas certain, mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite lady Melody. Wow, wow, oh, oh. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle. Elle s'habille en reggae, elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady Melody, ma petite lady. Elle est ce qui me reste quand j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse et je chante à ses côtés. Dans les orages, les tempêtes, jamais elle ne m'a quitté. Quand je m'arrête d'avancer, j'ai trouvé. Elle est le soleil que j'attendais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady Melody. Avec elle je fly, ouais. Tu vois comme un oiseau là-haut, je fly, ouais. Quand j'entends sa mélodie, je fly, ouais. Il n'y a qu'elle qui me comprenne, je fly, ouais. Elle me donne le fire et je fly, ouais. J'évite les failles de la vie et je fly, ouais. Tu vois comme un oiseau là-haut, je fly, ouais. Comme un oiseau qui plane et je fly là-haut, tout là-haut, ouais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady Melody. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady. porte la vie du ciel à ton sceau le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte-le. Courber le dos pour un peu de pluie. Embrasse-moi de support, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépuner tes ailes. Embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes la sueur, le sang, rendons nos amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds crépit le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps. Pourrais-je dépunaiser tes ailes? T'embrasser, te mordre en même temps. Enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir. Et bien, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous. Et là sont nous-mêmes en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center. The Cedar and Drone Not Drones present Clarice Jensen and Chuck Johnson, Monday, March 23rd. Veterans of the Cedar Drone Not Drone program, cellist Clarice Jensen and multi-instrumentalist Chuck Johnson, team up for this shared program. Clarice will perform selections from her latest release, In Holiday Clothing, Out of the Great Darkness. Chuck will be performing renditions of his new work, Quenya. They will perform separately and then collaborate together for a brand new composition. More information about Clarice Jensen and Chuck Johnson is available at thecedar.org. Support for KFAI comes from First Avenue, presenting Lungs, Silva, Caustic Abyss, and Raven on the Turf Club stage Friday, March 13th. Lungs brings their post-metal mix of doom, sludge, and atmosphere. Silva brings their melodic black death metal shaped by time and decay. Caustic Abyss brings their new album, Eternal Winter Crypt. And St. Cloud Raven brings catharsis in chaos. All four bands, all on stage for an all-metal Friday the 13th. More information about Lungs, Silva, Caustic Abyss, and Raven at the Turf Club is available at first-avenue.com. You're back listening on Bonjour Minnesota for the special French Reggae Night. Bonjour Minnesota. Voilà, you're listening to Thierry. Et Antoine. Et Antoine. Et Adrien. Voilà. C'est très bien. We're still practicing. Les mousquetaires. We're just missing the musketeers. We're just missing Freddy. We're missing Freddy tonight because he's traveling, visiting family, and he's probably a lot warmer than we are right now. I'm jealous. Where is he? I think he went south too. He went south? Wait, is that he took... Way south. South of the Loire Valley? Yes. That's it. He's in Missouri. In the deep, Missouri. Deep south. Yes. Voilà. C'est le sud. C'est le sud. But we just listened to three songs, so I'll just we'll share with you what we just listened to. It was Tom Frager, Lady Melody, and then it was Yannick Noah, with Les Enfants de la Terre, the song was Les Lions. And the last song we listened to was Trio with Vianney and Ibrahim Malouf. The song was Serre-moi, Hold Me. Voilà, with that, we'll just share a few of the events coming up because that's usually what we like to do. So tomorrow, this month is very still inspired by Tunisia. Yes. And so tomorrow at 7 p.m. at the Alliance Française on Colfax Avenue in Minneapolis, there is a book club with the Québécoise author Melika Abdelmoumen. And so this is going to be another celebration of reading. This is a novel that is called Petite Ville from 2024. And so she will present her book and answer your questions in French. But then there is more. And especially on Friday, this is Cine Club on Friday as well at the Alliance Française, the French Cultural Center on Colfax Avenue. And this is a Tunisian movie night. The name of the movie that will play is Sous les Filles, or Under the Figs, and this is a movie dating from 2021 that's directed by the Franco-Tunisian filmmaker Erich Sehiri, and there will be also a professor that will introduce the movie and provide some context for Tunisian cinema. So that seems very interesting. Another event that's coming up is going to be at the Cedar. That's also on Friday. So you could technically go to the movie at the Alliance Française and then drop by the Cedar on your way back. And that's going to be the Cedar and Drone Not Drones present Malibu with ESP. So the Cedar is located on Cedar Avenue South in Minneapolis. It will open at 7. The show is at 8. It's going to be a seated show with general admission. So about the show, Malibu's music is deeply meditative and serene. Drone, neoclassical and dance intertwined to take the listener on a contemplative journey. The French composer's latest single, So Sweet and Willing, is one of 2025's best, previewing her long-awaited debut album, Vanities. So check this out if you want some music. And we have just a few more because this is a really busy month. So, of course, next Tuesday will be St. Patrick's Day, and it will be a show here also for Bonjour Minnesota, a special show. But there's also, if you're interested and if you're going to listen to us later on a podcast or something as it's being recorded, you could consider going to An Evening with Gros Île, and that's also at the Cedar, and this is going to be a seated show at 7:30. And Gros Île is a trio of traditional musicians from Quebec and Ireland, comprising Irish, Yulin Piper, Fiacre Oregon, and Quebec fiddler, singer Sophie Lavoie, and guitarist André Marchand. So that's on Tuesday at the Cedar on Tuesday, March 17th, 7:30. Then on Thursday, March 19th at 6 p.m., you have the Apéritif en Français. So this is just a kind of an informal group that meets and speaks French. It's pretty fun, young, and it's going to take place at the University Club in St. Paul. And last but not least, we will announce her because she is pretty amazing, is Cyril Aimé is coming back. If you like jazz, if you like good vibes, Cyril is representing all that. She will be at the Dakota on March 19th at 7 p.m. And she is a multilingual artist, Afro-Caribbean sounds, and because her mom is from the Dominican Republic. But she also has a family home in Saint-Moi-sur-Seine, where Django Reinhardt Festival takes place. And so she has been influenced by Django, so jazz, but also has all these vibes. And she moved to New York City. So as you can imagine, she's a very multicultural, multilingual, talented artist. And she regularly comes back here to Minneapolis. That is a show on March 19th at 7 p.m. at the Dakota, Cyril Aimé. Great. Voilà. I think Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses, en effet. I think I was losing my breath, so I had to stop. I don't know if I can either. And I had to kind of keep you awake. So anyways, with that, to wake up. That's good. Yeah, I mean, yeah. There's something every day, almost. That's great. That's right. Yeah, exactly. That's so exciting. It's good. And I think also there is another event we can talk about actually coming up at the end of the month. And we can tell our listener, like, Vent du Nord is coming back to the Cedar as well. They've been here a few times. I believe you've seen them, right, Adrien? Yes. And they're from Quebec. Quebec, right. They're kind of a Celtic, a lot of fiddle, a lot of fun. You might just find yourself dancing away. That's because awesome. They are so contagious and awesome. Very good. 7:30 March 25th. It's a Wednesday. And actually, we're going to have two tickets for our listeners here that are interested in seeing the show. So if they want to call us, That's right. Yeah. Well, we can get it started. Let's get the party started. If you want to call us and if you want tickets to Le Vent du Nord, that's going to be on March 25th at the Cedar. Mm-hmm. This is at the Cedar, so on Cedar Avenue. This is at 7:30 p.m., the show. You can call us at 612-341-0980. Yes, that's 612-341-0980. Or you can send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. Yep. And first come, first serve. So we'll just give us your name and if you want a plus one. And I think we have two tickets for the show Le Vent du Nord on the 25th of March. All right, with that, we will go back to some music. We'll listen to a new series. What do we have going on now? Yes. New series with Youthy and Macadret first. And I discovered Youthy recently. Actually, Freddie played it on the radio, and she's an amazing trumpetist. She's young. She's super talented. She did a few albums. It's instrumental only, like a dub style. Oh, my God. It's so good. And she's releasing a new album, actually, next March 17, I believe. Cool. So it's already there is a few songs available on Spotify and other music platforms, I guess, where you get your music. But the full album is coming out here in a few weeks. Youthy with Jungle Groove. And then we can have another song from Reglis, Mets de l'huile. Dans la vie, faut que ça glisse. That was a huge hit back in the 1990s. I remember that song. Yeah. And it's just amazing to me that we are going to be listening to it today. That's amazing. Today. So, and I got to love the Marseille accent accent from Marseille in a reggae song. So that's what it's going to be for you, Mets de l'huile. Grease it up, I guess. And then what's the last song? The last one is Broussailles. They are from Lyon and they are teaming up with Dub Inc. from Saint-Etienne. So Lyon Saint-Etienne together. That can be a heated derby, right? Exactly. The song is called Cosmopolite. So mixed multicultural country. France is a multicultural country, of course, with people coming from a lot of different places. And I think it's a good song to listen to. I think the U.S. in so many ways, of course, is also a very multicultural country. And we love that, right? We love that. Cosmopolitan. Let's celebrate diversity. Yes. Okay. So, well, let's go. C'est parti. walking on the road the other day. I hear a little human say, I was walking on the road the other day. I hear a little human say. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, lui tour glisse, écoute, écoute. Walking on the road another day. I hear another human say. I'm walking on the road another day. I hear another human say. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae. Ta chanson on comprend rien quand tu la chantes en anglais. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae. Ta chanson on comprend rien quand tu la chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile, mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. Sans crainte d'accepter les autres d'à côté. Tant de choses à partager, plus de questions de race quand on est mélangé. Notre livre se rédige sur notre expérience. Les pages se tournent de la méfiance à la tolérance. L'ouvrage de la vie comporte des feuillets multiples. Oublions les mauvaises lignes pour écrire de nouveaux chapitres. Il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. Jaune, black, blanc, beurre, ces couleurs nous ressemblent. Si on veut se comprendre, n'attendons pas que la terre tremble. Well, well, quand je pose mes mains sur ta peau, j'ai le sentiment d'être ailleurs. Dites-moi qui en est là. Ne nous prenez plus pour des rats. Qu'on me laisse vivre ma vie en coup d'éclat. Pour ces raisons, je sonne le glas. Well, well, well. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, on ne baisse pas les bras. El Welli, El Welli, El Welli. Abustaye tout le tigra. Répète et réveille-toi. Il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. Jaune, black, blanc, beurre, c'est cool. Si on veut se comprendre, n'attendons pas que la terre tremble. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ça fait un moment qu'on avance tête baissée. On a vu nos limites sans cesse repousser. Depuis que les caravelles ont traversé les mers, aujourd'hui on navigue dans le système solaire. Pourtant il semblerait que dans cette course effrénée, on ait oublié d'apprendre à se parler. Tirer les leçons des erreurs du passé et retrouver la lumière dans notre obscurité. Même si la route est longue pour mieux se comprendre, laissons en chemin nos peurs dans ces méandres. Que le verbe coexister puisse renaître de ses cendres. Il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. Jaune, black, blanc, d'or, ces couleurs nous ressemblent. Si on veut se comprendre, n'attendons pas que la terre tremble. Hey yo! Mais tu sais, ça ne sera pas facile. Face à l'inconnu, beaucoup ici ne sont pas tranquilles. Ça n'excuse personne, mais voilà, connaissance vacille. Le système nous dicte toujours la peur du voisin. Dis-moi qui en profite, qui en a fait son gagne-pain. Opinion, religion, tout ça ne tient qu'à un fil. À la première intrusion, toutes les rancœurs se réaniment. Ouvrons nos horizons afin que l'ignorance décline. Pour le pack, ça s'envenime. C'est dur de se comprendre, mais on trouve toujours les mots. Ou juste un sourire, une entrée d'où un micro. Broussaille, bouche, cours comme l'homme, partage ses idéaux. Ne lâcheront pas le morceau. Il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. Jaune, black, blanc, beurre, ces couleurs nous ressemblent. Si on veut se comprendre, n'attendons pas que la terre tremble. Le métissage révèle la saveur des mélanges. Qu'on apprenne à vivre ensemble. Jaune, black, blanc, beurre, ces couleurs nous ressemblent. Si on veut se comprendre, n'attendons pas que la terre tremble. Le métissage révèle la saveur des mélanges. Il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. And we are back. We are back here at KFAI. Bonjour Minnesota. Avec mes deux acolytes. Ah bah oui, Adrien. Et Thierry. Voilà. Et Antoine. Et on écoute du reggae ce soir. We're listening to some good reggae vibes. That's right. Yeah, it's a little steamy here, right? Mm-hmm. I don't want to say smoky because I'm not allowed to smoke in the studio. No. No drink, actually. No. No, we are completely sober. Dry. As we talk to you, dry. And it's March 10th, and we're listening to some French reggae here. So we listened to Youthy and Macadred first with Jungle Groove, a song dated 2019, all instrumental. Youthy is a very talented trumpetist, and we were talking about how good she is when we were pretty listening amazing. To that. Pretty amazing, right? Mm. And with a new album coming up here soon. And then a song that, oh my God, yeah, brought us back to 92 or 93, you know, that's right. When we were young and fresh and everything else. Réglisse, mets de l'huile. Parce que dans la vie, il faut que ça glisse. It needs to slide. In life, you want things to slide, right, Thierry? Yes. All right. Not too much, though. Not too much? I don't know. Well, what is too much? They kind of slid off, they kind of slid off the stage, actually, because I think that was a one-hit wonder. That's right. But, I mean, you can't beat the Marseille accent, I tell you. This is... I think it did get us kind of moving and grooving over here. So I don't know if you were in your living room, or I hope in your car, well, you can dance in your seat, but it's pretty limited. But yeah. And I remember the story behind that song was that the band Réglisse actually came up with that song for their friends. It was supposed to be a local song or nothing special, and it turned out to be a huge hit. So, right, that was so much fun. Awesome. Yes, and then the last song was Broussailles and Dub Inc. with Cosmopolite, and that was also a really good song. So, so we're here tonight, reggae night. Reggae night. Ouais, on a sorti les chapeaux. We have a hat tonight. We do. Adrien right. brought us some hats, so we feel like we are, you know, somewhere in the Caribbean, maybe in Jamaica. Yes. It feels like it right now in the studio, actually. That's exactly it. And and if you want to see it, there is proof on the KFAI Bonjour Minnesota Facebook page. Did you post something? we got evidence of of what's going on in the studio tonight. Yeah. Exactly. Freddy, don't leave us alone again. You know what happens. See what now. Happens. You know what happens. You go. Yeah. quand le chat parle, les souris dansent. and we lock the studio, so it's nobody's so nice. Coming here. We're going to take over the night now. So that was good. So what do we have next, do we have some Pierre Paul Jacques? Yes, Pierre Paul Jacques, exactly. Un monde fabuleux. Ah oui. Now, the next set, that's the set you propose, Adrien, here. Oui. And Pierre Paul Jacques is... an amazing, it's a wonderful world that Pierre Paul Jacques is singing about, of how if we having tolerance with one another, and that's really the message of this song. And then we have another with Trio again. Yes, Trio. Huh? Trio that's a gang of them. It's Trio, Lege, Zaz, who is amazing. Zaz Jazz. Huh? We were talking about jazz with Thierry earlier offline. Claudio Capeo, Vianney. I don't want to forget anyone, just to honor all of these artists. Gauvin, Serre, Sylvain, Dutru, and Big Flo et Oli. Last but not least, Big Flo and Oli also featured on this song. And it's L'Hymne de nos Campagnes. This is one of the most iconic songs from Trio. Oh, yes. Right? From early 2000. Early 2000. And they late 90s, probably, because this is released on an album called 25, which celebrated the 25 years of Trio and this iconic album. This is the album we're going to listen to here, this special edition of Trio, L'Hymne de nos Campagnes. And then we'll have also, to stay on theme, Since Emilia. And Since Emilia is also a huge reggae band from France. But this is Tout le bonheur du monde, and it's basically them wishing us all the happiness in the world, which is, I think, what we wish every single one of you tonight. And this song is a bit like an anthem in France. Yeah? Whenever there is something, a party or something, I mean, it turns everybody up on their feet. And we just want to make sure to spread the good vibes around. Voilà. Only the good vibes. Only the good vibes. Good vibes. Yeah. So we're going to listen to Un monde fabuleux to start that. Les bonnes vibrations. C'est parti. Allons-y.

souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur. Et voilà. Le bonheur du monde, et voilà. All the happiness in the world. All the happiness in the world from Sinsemilia. Sinsemilia, yes. La huile des hauts plateaux. Yes. C'est ça, des hauts plateaux mexicains. Mexicains, mexicain, c'est très bien. Yes, Sinsemilia. What else did we listen to? Yeah, we listened to L'Hymne de nos campagnes, the trio. Trio is like an emblematic reggae band now, really, mm-hmm. For the last 25 years, right? It's, yes. Amazing, amazing band. And this version, thank you for sharing that. It's a really cool version with a lot of different artists singing on that one. Cool. Yeah. And then we had Pierre-Paul Jacques. The first song we listened to in that set was Pierre-Paul Jacques with Un Monde Fabuleux, A Wonderful World. Très bien. All right, so here we go. We are arriving at the end of our show here. 8 more minutes, but I think we have time for 3 more songs. Bah oui. And these songs are, close to my heart too. Oui. Well, anyway, the kids are in bed right now, and spring is around the corner, so it's time to think about gardening a little bit, you know, mm-hmm. weeding maybe at some point. And so this set is about, planting. planting and plants and good vibes in the garden, I guess. The other side of reggae. Yes, the other side Rastafari side. Yes, Rastafari. And we have Tairo first. Tairo is a French artist, I think, from La Réunion. Remember that song? Yes. From La Réunion originally, or Réunion Island in the Indian Ocean. Oh, yeah. Never been there, but that's one of the things. Yeah, that's a place I really dream of going someday. It's wonderful. That would be amazing. Yes. And this song is called Bonne Weed. Bonne Weed. Good Weed. Très bien. So I'll let you listen to that song and make your own conclusion about it. and then... another song from Trio, right? Oui. Trio, very popular Trio with La Main Verte. The Green Thumb. You're right. Yeah. It's a live version of that song from their first album, Mama Gubida, in 1998. And finally, Kana with Plantation. Plantation, super. I remember those songs so much from before I came here to the US. That was, oh my gosh, great. 1999. Fun song. That's a really fun Kana song. Kana is having issues in his garden and he's telling us all about it. And it's a fun song. He's trying to plant everything. The thing is... Kana is from the late 90s, early 2000 as well. And he's from Mauritius, actually. So we're talking about the Indian Ocean. Okay. He's from the island next to La Réunion, right? Mauritius. Mm-hmm. So again, a lot of cool island vibe tonight. Yes. And Kana is a great one too, if you're learning French. Honestly, it's got a lot of great vocabulary in it. So that might be a good song to listen to. Yes. So I think that's it. And that'd probably be the end of our show here. Yeah, so we can say goodbye. Goodbye. Good night, everyone. Thanks for listening to the special French Reggae Night. Yes. Bonne nuit, Minnesota. Fête de beaux rêves. Fête de beaux rêves. Sleep well and stay tuned for Balkan Jambare. And see you next week. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Remix Good Girl Gone Bad. Tao, c'est un truc de malade. Ce soir, je sens que je serai livré. On m'a parlé d'un arrivage très privé. Je t'explique. Hey. J'ai reçu un coup de fil me disant que c'est ready. Pas besoin d'être un génie, j'ai vite compris. Le colis que j'attendais est enfin arrivé. Je l'ai déjà goûté, c'est une vraie bombe. Son parfum si secret me rend mal. J'aurai de la bonne weed. Ce soir, je fumerai de la bonne weed. Ce soir, y aura de la bonne weed. Ce soir, et si tu veux pas me croire, viens faire un tour au tchic, car j'aurai de la bonne weed. Ce soir, je fumerai de la bonne weed. Ce soir, y aura de la bonne weed. Ce soir, et si tu veux pas me croire, viens faire un tour au tchic, car elle est trop bonne. Mais faut que je précise, elle me donne des vibes imaginatives. Elle est pas trop hard, un bon feeling. Elle m'endort pas, au contraire elle me réactive. Ouais, j'sais que tous les amateurs veulent la voir dans leur grinder. Son high est rend trop cool et ils adorent son odeur. Et si tu fumes cette ganja, tu comprendras pourquoi déjà. J'en ai pris 200 grammes pour moi, elle est la star des Shiva. Que je vais me régaler. Son goût et son odeur ne peuvent être régalés. Je l'explique. J'ai reçu un coup de fil me disant que c'est ready. Pas besoin d'être un génie, j'ai vite compris. Le colis que j'attendais est enfin arrivé. Je l'ai déjà goûté, c'est une vraie. ce soir. Et si tu veux pas me croire, viens faire un tour au Tchic, car j'aurai de la bonne weed. Ce soir, je fumerai de la bonne weed. Ce soir, y'aura de la bonne weed. Ce soir. Et si tu veux pas me croire, viens faire un tour au Tchic, car ce soir, je sens que je serai livré. On m'a parlé d'un arrivage très privé. J'ai l'impression que je vais me régaler. Son goût et son odeur ne peuvent être égalés. J'aurai de la bonne weed. Ce soir, je fumerai de la bonne weed. Ce soir, y'aura de la bonne, bonne, bonne, bonne weed. Ce soir. Et si tu veux pas me croire, viens faire un tour au Tchic, car j'aurai de la bonne weed. Ce soir, je fumerai de la bonne weed. Ce soir, y'aura de la bonne. Et si tu veux pas me croire, viens faire un tour au Tchic. J'aurai de la bonne weed, bonne weed, bonne weed, bonne weed. Bonne weed, bonne weed, bonne weed, bonne weed. J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos pets. Fumer. J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que son commerce fait recette. Va te faire mal. J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent. Et des gens donnent à des gens qui allègrement amassent les bagues en diamant sur dos de pauvres paysans. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. Faites fleurir les jardins. Vos voisins qui fument vous coûtent du pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité. Qu'on arrête de me considérer comme un drogué, alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds lourds. Pensez que peut-être tout c'est une malhonnête. Serve à nos dirigeants qui s'entêtent et répètent à dire que la fumette c'est pas bon pour les gens. J'ai compris que pour du chichon tu peux aller en prison. Que l'alcool tu as foison. Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. Faites fleurir les jardins, décorer les balcons. Expliquez à vos voisins que fumez vous petit pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité. On arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang, boom. Je viens de m'acheter un petit lopin de terre pour pouvoir faire planter. La terre à Dakar est super. Moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas. Moi j'ai planté coco, coco ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes, légumes toujours pas poussé. Moi j'ai planté agrumes, agrumes toujours pas poussé. J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté concombre, concombre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre, à l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc, manioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. Moi j'ai planté tapioc, tapioc toujours pas pousser, toujours pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation.